12 kilomètres à l'ouest de Constantinople. Mai-juin 1453. Homère. Une fille. Une grecque. Un événement si inattendu, si troublant qu'il en reste abasourdi. Lui qui a pleuré pendant la castration d'arbres et de clairs de lune. Lui qui regimbait quand il fallait tuer des volailles ou des truites. Il vient de fracasser une branche sur le crâne d'une chrétienne au teint clair et aux cheveux ras, plus jeune que sa propre sœur. Gisant immobile sur la litière de feuilles, elle tient toujours dans sa main la perdrix embrochée. Elle porte une robe crasseuse et ses sandales partent en lambeaux. À la clarté des étoiles, le sang qui ruisselle le long de sa joue paraît presque noir. De la fumée monte des braises, des grenouilles coassent dans l'obscurité, la mécanique de la nuit avance d'un cran, et la fille pousse une plainte. Il lui attache les poignets avec le vieux licol de clair de lune. La fille gémit de nouveau, puis commence à se débattre. Un filet de sang coule dans son œil droit. Se redressant à genoux, elle approche de ses dents ses poignets ligotés. Quand elle voit Homère, elle se met à crier. Effrayé, il jette un coup d'œil vers les arbres derrière son dos. « Tais-toi, s'il te plaît !» Veut-elle alerter quelqu'un qui se trouve dans les parages ? Il a été trop bête d'allumer ce feu. C'était un risque démesuré. Alors qu'il étouffe les braises, la fille déverse à pleine voix un flot de paroles auxquelles il ne comprend rien. Il plaque une main sur sa bouche, mais une morsure le fait reculer. La fille se lève et fait quelques pas chancelants avant de retomber au sol. Il se peut qu'elle ait bu. Les Grecs sont toujours ivres, n'est-ce pas ce que l'on raconte ? Des semi-bêtes constamment grisées par les plaisirs du corps. Mais elle est tellement jeune. Il s'agit certainement d'un leurre, d'une sorcière déguisée. Il tâche d'examiner la plaie sur sa main tout en guettant un éventuel bruit de pas. Ensuite, il mord dans la chair de la perdrix. La peau brûlée, le milieu toujours cru. Tandis que la fille haletante reste couchée sur le tapis de feuilles, le visage barbouillé de sang. Une nouvelle question vient à l'esprit d'Homère. A-t-elle deviné pourquoi il était seul ? Pourquoi il ne s'était pas joint au vainqueur pour investir la cité et réclamer sa part du butin ? Elle se tortille pour lui échapper. Il est possible que cette fille soit seule, comme lui, qu'elle ait abandonné son poste quelque part. Quand il la voit ramper vers un objet posé au pied d'un tronc, il s'approche pour s'en emparer et la fille se rebelle. Un sac. Il trouve à l'intérieur une petite boîte décorative et un ballot enveloppé d'une étoffe qui ressemble à de la soie. Il fait trop sombre pour qu'il puisse en être sûr. Elle se contorsionne pour se remettre à genoux et lui lance une série d'injures dans sa langue, puis émet un cri si aigu et si douloureux qu'on croirait entendre un agneau. Une onde de terreur parcourt l'échine d'Homère. « Tais-toi, s'il te plaît !» Il imagine son cri, circulant à travers les bois dans toutes les directions, par-dessus l'étendue d'eau noire et le long des routes qui mènent à la cité, pour tomber directement dans l'oreille du sultan. Il pousse le sac vers la fille et elle le saisit entre ses mains liées avant de se remettre à tituber. Elle est affaiblie. C'est la faim qui l'a conduite jusqu'ici. Homère dépose près d'elle ce qui reste de l'oiseau encore tiède, qu'elle attaque à coups de dents sans même le ramasser, dévorant la viande comme un chien. Il profite de cette accalmie pour rassembler ses pensées. La ville est beaucoup trop proche. D'une minute à l'autre, des cavaliers vont apparaître, vainqueurs ou vaincus. La fille sera capturée comme esclave et lui-même sera pendu pour désertion. D'un autre côté, la fille pourrait lui servir d'excuse si on les trouve ensemble. Un trophée qu'il aurait gagné. En se déplaçant avec elle, il attirera peut-être moins les soupçons que s'il voyageait seul. Elle suce les os de la perdrix sans le quitter des yeux. Le vent se lève. Les jeunes feuilles des arbres frissonnent dans l'obscurité. Au moment où il déchire une bande de sa chemise en lin, un souvenir le prend au piège. Grand-père et lui dans la lumière du matin, le pantalon mouillé de rosée jusqu'aux genoux, en train de placer sous leur premier joug arbre et clair de lune. La fille ne bouge pas, et ne pousse pas un cri lorsqu'il pense sa blessure à la tête. Il fixe ensuite la longe de clair de lune au licol qui entrave ses poignets. « Viens !» souffle-t-il. « Il faut qu'on s'en aille !» Le sac hissé sur son épaule, il la traîne au bout de la longe comme s'il s'agissait d'une bourrique récalcitrante. Il se glisse entre les joncs qui bordent les étangs, la fille trébuchant de temps à autre tandis que le soleil se lève derrière leur dos. Dans la clarté matinale, il découvre des pieds de mouton dont il mange le chapeau brun, accroupi au sol. Quand il lui en apporte, elle l'observe quelques instants avant de les accepter. Le bandage semble avoir étanché le sang et les traces qui maculent sa gorge et son cou ont pris en séchant une teinte de métal rouillé. Sous le soleil de midi, il passe au large d'un village incendié. Une meute de 5 ou 6 chiens squelettiques se rue vers eux et se rapproche dangereusement, mais Homer réussit à les chasser à coups de pierre. Le soir, il traverse un paysage ravagé, vergers pillés, pigeonniers vides, vignobles réduits en cendres. Lorsque Homer s'agenouille pour s'abreuver à un ruisseau, la fille fait de même. Peu avant la tombée de la nuit, ils se nourrissent de pois au fond d'un potager à moitié dévasté. Alors que minuit est passé depuis longtemps, Homer trouve un petit creux dans une haie, en bordure d'un champ en friche, et enroule la longe autour du tronc d'un cyprès. La fille le dévisage, les paupières lourdes, et il regarde sa terreur céder devant le sommeil. Au clair de lune, il emporte le sac à l'écart et en sort la petite boîte. Elle est vide et dégage un parfum épicé. Une scène assez mystérieuse est peinte sur le couvercle. Un grand édifice, le ciel au-dessus. Serait-ce l'endroit où vivait cette fille ? Le paquet est emballé dans une pièce de soie noire chamarrée de fleurs et d'oiseaux. Il s'agit d'une liasse de peaux d'animal débarrassées de leurs poils, que l'on a aplatie, taillée en feuillets rectangulaires, puis attachée ensemble par une reliure. Un livre. Ces pages humides aux relents de moisies sont couvertes de signes proprement alignés qui remplissent Homer de frayeur. Il se souvient d'une histoire que racontait grand-père au sujet d'un livre qu'avaient laissé les anciens dieux au moment de quitter la terre. À l'entendre, il était enfermé dans une cassette en or, elle-même contenue dans un coffret en bronze que protégeait un coffre en fer, le tout enfoui dans un coffre en bois. Les dieux avaient relégué celui-ci au fond d'un lac, gardé par des dragons aquatiques longs de 100 pieds qui résistaient aux plus vaillants des hommes. Cependant, quiconque parvenait à retrouver ce livre et à déchiffrer ses pages comprenait ensuite la langue des oiseaux du ciel et celle des bêtes qui rampaient sous terre. Et si l'on était un esprit, on reprenait la forme que l'on avait eue au cours de son existence terrestre. Homer remballe l'objet de ses mains tremblantes, le range dans le sac et observe la fille au milieu des ombres que projette la lune. Sa morsure à la main l'élance. Et si cette fille était un spectre réincarné ? Se peut-il que le livre qu'elle transporte recèle la magie des anciens dieux ? Mais si elle détient une magie aussi puissante, comment expliquer qu'elle soit seule et suffisamment aux abois pour venir lui voler la perdrix qu'il faisait rôtir ? N'aurait-elle pas dû tout simplement le transformer en nourriture avant de le dévorer ? Échanger aussi les soldats du sultan en cloportes pour pouvoir les écraser sous ses pieds ? De toute manière, raisonne-t-il pour se rassurer, les histoires de grand-père n'étaient que cela, des histoires. L'aube approche et il se languit de chez lui. D'ici une heure, le soleil s'élèvera au-dessus des monts et sa mère se fraiera un chemin parmi les pierres moussues pour aller remplir le chaudron à la rivière. Grand-père ranimera le foyer, le soleil fera naître des ombres mobiles au fond du ravin et Nida poussera un soupir sous sa couverture, aux prises avec le dernier rêve de la nuit. Il s'imagine en train de se glisser dans le lit tiède, nouant ses jambes à celles de sa sœur comme dans leur enfance. Et quand il se réveille, la matinée s'achève déjà, et la fille a réussi à se libérer. Campée au-dessus de lui, elle tient son sac contre elle et examine la fente qui lui traverse la lèvre. Par la suite, il ne prend plus la peine de lui lier les poignets. Il progresse vers le nord-ouest au sein d'un paysage de plaines onduleuses, filant à travers champs pour retrouver le couvert des bosquets. Et, du côté nord-est, la route des Dirnées leur apparaît au loin par intermittence. La plaie de la fille s'est arrêtée de saigner. Elle semble invulnérable à la fatigue, tandis qu'Homère doit se reposer toutes les heures ou presque, la lassitude incrustée dans la moelle de ses os, croyant entendre au fil de sa marche les craquements des chariots et le beuglement des bêtes, et sentir auprès de lui, arbres et clairs de lune, deux colosses dociles cheminant sous le joug. Le quatrième matin de leur périple, le manque de nourriture atteint un point critique. La fille elle-même titube fréquemment, et il sait qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin s'ils ne trouvent pas à manger. À midi, Homère remarque un nuage de poussière qui roule derrière eux, et ils vont se tapir dans un fourré en retrait de la voie. Deux porte-étendards chevauchent en tête du convoi, leurs sabres martelant la selle de leur monture, parfaite incarnation des vainqueurs sur le chemin du retour. Suivent des chameliers dont les bêtes transportent le butin de guerre, des tapis roulés, des sacs de toile pleins à craquer, une bannière grecque déchirée. Derrière les chameaux, une vingtaine de femmes et de filles aux poignets ligotés avancent dans la poussière, vaguement réparties en deux files. L'une des captives lance des cris de détresse, alors que ses compagnes traînent les pieds en silence, tête nue, leur visage exprimant un désarroi si profond qu'Homère n'a pas la force de les regarder. Après le groupe de femmes vient un chariot tiré par un bœuf famélique, garni jusqu'au bord de morceaux de statues en marbre, des torses d'anges, un philosophe en tunique aux cheveux bouclés, dont le nez s'est brisé, un pied monumental et isolé, blanc comme un os, dans la lumière de juin. Un arbalétrier ferme la marche, bouclier sur le dos, son arme posée en travers de la selle, fredonnant tout bas un air qu'il destine à son cheval, ou peut-être à lui-même. Son regard parcourt les champs alentour, et Homère, en voyant la petite chèvre morte arrimée à la croupe de la monture, sent bondir son estomac vide. Déjà debout, il est sur le point de quitter son abri pour interpeller les cavaliers, mais la fille le retient par le bras. Assise par terre, elle tient son sac contre elle, les bras égratignés et le crâne rasé, le désespoir imprimé sur tous les traits de son visage. De petits oiseaux bruns font bruire les fourrés au-dessus de la tête d'Homère. Tout en le fixant du regard, la fille se tapote la poitrine avec deux doigts. Le cœur du garçon bat à se rompre, il renonce à bouger et, une minute plus tard, la caravane a disparu. La pluie tombe pendant l'après-midi. La fille marche en serrant bien fort son sac, faisant son possible pour le maintenir au sec. Après avoir traversé un champ bourbeux, il tombe sur une maison abandonnée, noircie par les flammes, et se réfugie sous son toit de chaume, à demi mort de faim. La fatigue prend possession d'Homère, puissante comme un océan. Les yeux clos, il entend grand-père plumer et apprêter deux faisans, puis les farcir de coriandre et de poireaux avant de les mettre à rôtir. Il hume le fumet de la viande, écoute les braises siffler, mais quand il rouvre les yeux, il n'y a ni foyer, ni gibier, seulement la fille qui grelotte auprès de lui dans l'ombre de plus en plus dense, et l'averse qui fouette la campagne. Au matin, il pénètre dans une grande forêt. Sur les arbres, les chatons mouillés par la pluie se balancent aux branches comme autant de pendules, et ils ont l'impression de passer à travers une succession de draperies. La fille tousse, les freux criaillent, quelque chose fait du raffut dans les branchages, puis ne demeure que le silence et l'immensité du monde. Quand il se tient debout, les rangées d'arbres vacillent à perte de vue et mettent plusieurs secondes à se stabiliser. Il espère douloureusement voir les montagnes se dessiner à l'horizon, en vain. De temps à autre, la fille marmonne quelques mots dans sa langue, prière ou juron, il ne saurait le dire. Si seulement Claire de Lune était à leur côté, lui, il saurait comment s'orienter. On lui a répété que l'homme a été créé supérieur à la bête, pourtant, combien de fois ont-ils perdu un chien dans les hauteurs pour le retrouver à la maison en rentrant, le poil couvert de bardane? Est-ce leur flair qui les guide? La position du soleil dans le ciel? Ou bien une faculté secrète et plus profonde que les animaux possèdent, mais dont les hommes ont été privés? Tout le temps que dure ce long crépuscule de juin, il reste assis au sol, trop affaibli pour aller de l'avant, et arrache l'écorce des branches de viorne. Après l'avoir mâché jusqu'à obtenir une pâte, il rassemble ses dernières forces pour enduire de cette substance poisseuse autant de branches qu'il le peut, comme grand-père le faisait autrefois. La fille l'aide à ramasser du bois, le soleil se couche et, par trois fois, il va inspecter ses pièges. À chaque fois, il revient bredouille. Toute la nuit, il dort d'un sommeil entrecoupé. Au réveil, il trouve la fille devant un modeste foyer, le visage pâle et crasseux, l'ourlet de sa robe déchirée, les yeux aussi gros que deux poings. Homer voit une ombre se détacher de son propre corps pour s'enfoncer dans la forêt, survoler la rivière et la maison familiale. Des hardes de cerfs galopent entre les arbres au sommet des monts, poursuivis par des loups qui se coulent dans l'ombre, et il parvient enfin dans ces contrées du Grand Nord, où des dragons de mer ondulent entre les pics de glace et où un peuple de géants bleus soutient les constellations. Quand il réintègre son corps, des rayons de lune filtrent entre les feuillages, moirant le sol de lumière fluide. La fille près de lui, son sac sur les genoux, suit du doigt les lignes de son livre en chuchotant des paroles dans sa drôle de langue. Homer tend l'oreille, et à l'instant où elle se tait, un vol de courlis de terre débouche du sous-bois, comme si elle les avait convoqués grâce à la magie de son livre. Des cris brefs et des cris se succèdent, puis Homer perçoit les battements d'ailes affolées d'un oiseau pris au piège, d'abord d'un seul, puis d'autres, et encore d'autres, et alors la nuit résonne de leurs cris de joie. La fille le regarde, et il regarde le livre. Les collines cèdent la place aux contreforts, puis ce sont les montagnes qui apparaissent. À présent, ils ne sont plus très loin de chez lui, Homer le sent. Les essences qui poussent là, la qualité de l'air, les effluves de menthe sauvage au milieu d'une pente, les galets ronds et luisants dans le lit d'un cours d'eau, autant de souvenirs ou de sensations parallèles aux souvenirs. Il progresse dans l'obscurité pluvieuse et il se peut qu'à l'instar des bœufs, il ait ce quelque chose en lui, une sorte d'aimant qui l'attire vers sa maison. Au moment où ils franchissent la dernière crête et prennent le chemin qui rejoint la route au bord de la rivière, la nouvelle de la chute de la cité est arrivée jusque dans le village. Il lie de nouveau les poignets de la fille et la conduit au bout de la longe, racontant la même histoire à toutes les personnes qu'il rencontre. La victoire a été formidable. Honneur au sultan, que Dieu le garde, il m'a renvoyé chez moi avec mon butin. Malgré sa lèvre fendue, nul ne lui témoigne d'hostilité. Et même si beaucoup lorgnent le sac malpropre qu'il rapporte, personne ne réclame à en voir le contenu. Quelques charretiers vont jusqu'à le féliciter en lui souhaitant le meilleur. L'un d'eux lui donne un fromage et un autre lui offre un panier de concombres. Bientôt, ils abordent la gorge sombre avec son pont en rondin tendu sur la partie la plus étroite. Quelques chariots y circulent. Deux femmes en route vers le marché mènent une bande d'oies. Homer écoute le bruit des flots qui labourent les profondeurs de la gorge et les voilà passer. La nuit est tombée lorsqu'il traverse le village dans lequel il est né. À 800 mètres de chez lui, il entraîne la fille à l'écart de la route pour l'emmener sur la butte en surplomb de la rivière. Et ils font halte sous les ramures déployées de l'if à moitié creux. Les enfants prétendent que cet arbre est aussi vieux que les premiers hommes, dit Homer, et que, par les nuits les plus noires, on voit leurs fantômes danser à l'ombre de ses branches. L'if agite ses riches branchages au clair de lune. La fille regarde Homer avec attention. Il lui désigne d'abord la couronne de l'arbre, puis le sac qu'elle garde serré contre sa poitrine. Il retire sa cape en cuir et l'étale au sol. Ici, ce que tu transportes sera en sécurité, protégé du mauvais temps, et personne ne s'en approchera. Elle le regarde longuement, le visage rayé d'ombre sous la lune. Et au moment où il pense qu'elle n'a rien compris à ses paroles, elle lui remet le sac. Après l'avoir enveloppé de sa cape, il se hisse dans l'arbre, s'introduit dans le creux et pousse le paquet tout au fond. Voilà, il est à l'abri. La fille lève les yeux. Homer trace un cercle dans le vide. On reviendra plus tard. » Elle lui présente spontanément ses poignets dès qu'ils ont regagné la route et il l'attache de nouveau. La rivière gronde. Les aiguilles des pins brasillent sous les étoiles. À présent, chaque partie du chemin lui est familière. Il reconnaît dans toutes ses nuances la sonorité des flots. Quand ils atteignent le chemin qui mène au ravin, Homer se tourne vers la fille, frêle et crasseuse. La peau striée des raflures, elle traîne les pieds dans sa robe en loques. « Depuis le commencement de ma vie, songe-t-il, je ne parle pas la même langue que mes compagnons préférés. »